Chez moi, il n'y a que des bredignons au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grand coup de dans l'oignon, t'entends? Bafouille de ce temps, et je parle pas que de moi. Et quand tu vois l'instinct de l'autre perdant sa foi sans écrire vraiment la vérité de ses 10 doigts, et toujours dire que la souffrance en a fait sa loi, je te dois ce texte pour que tu comprennes que ma vie annonce bien toujours que l'on malmène, qu'on ne peut pas toujours abdiquer, quoi qu'il advienne, laissant parler la prose car elle deviendra mienne. Je diffère sur le sauvetage d'autrui, c'est sûr, et parce que le fruit mûrit même si c'est dur, histoire de mettre un peu de couleur sur nos murs avancer en ne croyant plus toujours que la vie est pure. Le graffiti dans la peau sans le tatouage en surface, j'y ai laissé la vibe en ne gardant que la menace. Il serait temps que je compte un peu toujours ce qu'il me reste et ne plus te tendre la main si tu n'as pas de geste. Ignorance de ce temps, j'y ai compté les heures fatalement, précisément car la vie est un leurre. Douce France, cher pays de mon enfance, pourquoi ne m'as-tu pas appris l'indépendance? Ignorance de ce temps, j'y ai compté les heures fatalement, précisément car la vie est un leurre. Douce France, cher pays de mon enfance, pourquoi ne m'as-tu pas appris l'indépendance? Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir, et comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Fouille de l'instant comme si elle était présente et forçant le respect car elle reste bien consciente. Restituer tout ça sur la dite différence, déguster ce plat toujours comme une préférence. La fatalité m'a dit continue et avance, qui t'a dit que je n'ai pas envie de rentrer en transe? La façon reste la forme à force de la gonfler, comme le bruit évident d'une personne qui a ronflé. J'en déduis le constat qui restera amer, avec l'envie ma foi de dire la putain de ta mère. Quand est-ce que je vais pouvoir dire que je respire dans un monde qui t'enfonce et que tu transpires sur le beat où l'autre se dit vouloir scratcher? C'est avec conclusion que moi je me suis craché, P2OP dans la masse tapant toujours sur son enclume, aussi lourde que le sera toujours ma plume. Ignorance de ce temps, j'y ai compté les heures fatalement, précisément car la vie est un leurre. Douce France, cher pays de mon enfance, pourquoi ne m'as-tu pas appris l'indépendance? Ignorance de ce temps, j'y ai compté les heures fatalement, précisément car la vie est un leurre. Douce France, cher pays de mon enfance, pourquoi ne m'as-tu pas appris l'indépendance?